9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez, les besoins sont grands. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, plein de musique qui va vous faire danser. Vous allez donc, je crois, apprécier la sélection de l'émission pour aujourd'hui. On va débuter tout de suite avec un groupe de Québec qui va lancer un album au mois de janvier sur l'étiquette P572. Le groupe, c'est Headache 24. J'ai vraiment hâte d'entendre l'album. Je donne un petit aperçu, on va entendre la pièce Hate the Rip, c'est ça, on va débuter avec ça. Chose à rappeler, ils ont fait une levée de fonds pour leur album sur Indiegogo, ça a bien fonctionné, ils ont atteint leur but, mais il reste encore quelques jours à la campagne, donc vous pouvez continuer quand même à faire vos dons pour encourager ce groupe de Québec que j'adore. Ensuite, de ça, après Headache 24, on va entendre Ghost Mutt. C'est donc un groupe qui nous vient de Melbourne, en Australie. Je vous fais entendre la pièce Divine. Donc, on débute Web Music avec ces deux pièces-là. Just to We are coming. De la ville de Melbourne en Australie, c'était Ghost Moth avec la pièce Divine. Avant ça, on avait débuté l'émission Web Music avec Headache 24, une pièce à paraître au mois de janvier sur leur album Reach. C'était la pièce Eat a Rip. J'ai également mis sur le site de l'émission une vidéo réalisée par Charles Fleury. Donc, allez voir ça. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusic.ca. Vous allez avoir donc la playlist de l'émission et ainsi que les liens pour télécharger gratuitement absolument toutes les pièces entendues à l'émission. On va poursuivre avec donc deux remixes vraiment intéressants. Le premier, c'est un remix du groupe Alabama 3. Donc, c'est un remix par Dan Le Sac. C'est la pièce Woke Up This Morning. Ensuite de ça, de la ville de Chicago, c'est un remix de Bush Tetas. C'est Tim Zawanda qui nous offre ça. C'est la pièce Moonlight. Woke up this morning. Woke up this morning. Got a blue moon in your eyes. She said, goddamn, goddamn shit in my body. Woke up this morning. Got a blue moon in your eyes. But you can't help yourself, yeah. It sits me down. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. On vient d'entendre la pièce Moonlight. C'était une pièce de Bush Tetaz reprise donc par Tim Ziwada. C'est un artiste de Chicago aux États-Unis. Avant ça, de l'Angleterre, c'était Dan Lesac qui remixait Alabama 3 avec la pièce Woke Up This Morning. On poursuit avec donc un autre artiste de l'Angleterre, pas un artiste mais plutôt un groupe, c'est le Club Dennis. Je vous fais entendre la pièce Rotation. Ensuite de ça, de Cape Town en Afrique du Sud, c'est She-Man Lion. Je vous fais entendre la pièce Weep. Causing days, it's a tragic waste of space. Before you know, you're shot in the back, shot in the back. The planet turns away, rotation's causing days, it's a tragic waste of space. Before you know, you're shot in the back, shot in the back.

La pièce Hoover Maneuver par le groupe Fog Digging Sessions, un groupe dont les membres sont basés en Turquie et au Cambodge. Avant ça, on entendait de Brisbane en Australie Teleprompter avec leur pièce Banshee. Et enfin, on avait débuté ce bloc avec un groupe de Columbus dans l'Ohio. C'était le groupe Lieutenant Dance avec la pièce When Fans Attack. On poursuit donc Web Music avec deux pièces, mais avant je vous rappelle de vous rendre sur le site de Web Music, c'est au www.webmusic.ca. Vous allez donc pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous allez pouvoir télécharger de façon gratuite et légale. Donc on poursuit avec The Fagot Heads qui nous viennent de Moscou. C'est la pièce We Are Too Lazy to Be Famous. Ça va être suivi par un groupe de Lisbonne en Espagne du nom de Mosquette. Je vous fais entendre leur pièce You Can't Dance. Vous allez voir deux pièces excellentes à Web Music. We'll be right back. Light it up to the night. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre donc une pièce d'un groupe qui nous vient de Lisbonne en Espagne. C'est le groupe Mosquette. La pièce s'intitule You Can't Dance. Avant ça, de Moscou, c'était de Fagot Heads avec la pièce We Are Too Lazy to Be Famous. On enchaîne tout de suite avec un groupe qui nous vient de la République tchèque. C'est My Dead Cat. Je vous fais entendre la pièce Air Sickness CD. C'était le groupe My Dead Cat, un groupe qui nous vient de la République tchèque. C'était la pièce Air Sickness CD. Ça touche déjà à la fin de l'émission. Je vous demande de rester à l'écoute. Une émission excellente de Jean-Baptiste Hervé suit tout de suite après ses cabarets Diaspora. Plaisir garanti. C'est toujours excellent, cabaret Diaspora. Donc, je vous rappelle, avant de se quitter, de vous rendre sur le site de Web Musique. C'est au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous allez retrouver la playlist de l'émission. Vous allez pouvoir télécharger les pièces gratuitement. Vous allez également pouvoir retrouver le podcast des émissions précédentes. Donc, si vous avez manqué quelques émissions, vous pouvez vous rendre là. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous rattraper. Donc, on se quitte sur une dernière pièce de Newton Karate. Je vous fais entendre la pièce PW. Puis, donc, c'est ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour une autre émission de Web Music. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL HD. Une radio haute décibels. Bomb. Leatherette. 89. CKRL. Oh ouais. Oh ouais. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation où l'on